Vercingétorix le Gaulois, sans nul doute étant en peine, sur le plateau d'Alésia se mouchait entre ses doigts. Jules César voyant cela, les Gaulois sont dans la peine, ce moustachu hors la loi n'a pas de mouchoir, ça se voit. Pourtant ta moustache est belle, pourquoi ne t'en sers-tu pas comme mouchoir de flanelle pour ne pas salir tes doigts? Vercingétorix tout de go répondit à l'Ostrogoth, si tu avais noble moustache, tu te moucherais dans les rideaux. Des moustaches, il en est beaucoup, des fières et des bravaches, des petites de rien du tout. Des moustaches, il en est pour tous les goûts, que l'on tête ou que l'on mâche ou dont l'on frise les bouts. Prends garde César, si je me fâche, ma moustache n'est pas un égout. Prends garde César, si je me fâche, ma moustache n'est pas un égout. La brousse avec sa trousse, le brillant Albert Schweitzer a un lion à ses trousses et s'enfuit vers le désert. Il a une sacrée frousse, le fauve va le happer, ses babines se retroussent et ses dents sont acérées. Les mâchoires se referment dans un bruit de cauchemar, le carnage met un terme à la course du vieillard. Mais soudain le lion crache et vomit de toutes parts, un docteur, une moustache, un dentier et deux petits noirs. Des moustaches, il en est beaucoup, des fières et des bravaches, des petites de rien du tout. Des moustaches, il en est pour tous les goûts, que l'on tête ou que l'on mâche ou dont l'on frise les bouts. C'est le pied de goûter une moustache, mais la vomir, c'est un dégoût. C'est le pied de goûter une moustache, mais la vomir, c'est un dégoût. Un jour le défunt Staline, venant de Géorgie, sur la tombe de Lénine put-il lire ici J. Un moustachu et un frère, un skieur et un ami, mort non pas d'être assagi mais d'avoir fait trop ski. Alors le défunt Staline se lissa la moustache qu'il avait fine et l'étira et l'allongea. Puis la moustache ayant chaussé, il glissa et alla s'espatarrer sur Khrouchtchev qui passait par là. Des moustaches, il en est beaucoup, des fières et des bravaches, des petites de rien du tout. Des moustaches, il en est pour tous les goûts, que l'on tête ou que l'on mâche ou dont l'on frise les bouts. Mais dans la vie, faut dire ce qui est, faut surtout pas se faire skier. Mais dans la vie, faut dire ce qui est, faut surtout pas se faire skier. Cette chanson, tonton Georges, c'est à toi que je la dois, pour des milliers de raisons et de chansons, ça va de soi. Ta moustache m'a beaucoup aidé, mais comme dirait Saint-Eustache, on n'est jamais trop aidé. Au cimetière des pauvres, tu es bien peinard, sous les cyprès, tu dois prendre un sacré panard. Grand merci pour tout, vieux Georges, d'être ta bien mérité, notre moustachu préféré, on n'est pas prêt de t'oublier. Des moustaches, il en est beaucoup, des fières et des bravaches, des petites de rien du tout. Des moustaches, il en est pour tous les goûts, que l'on tête ou que l'on mâche ou dont l'on frise les bouts.